Nous sommes en 1853, après Jésus-Christ. Il existe à cette époque qu'un seul homme qui sache manier son violon plus rapidement que son ombre. Mihido. Mihido. هلا وا يا مال صحاب الجويداوي اجي يا ود العدو